Soyez salués. Ce soir, donc, je viens répondre à la préoccupation de certains d'entre vous qui, dans les correspondances quotidiennes, dans le forum que nous animons et dans d'autres milieux, surtout dans mes contacts personnels, les gens qui m'écrivent, qui me posent mille et une questions. Bien sûr que ce sujet n'a pas été encore abordé. Ça, c'est ma confusion, n'est-ce pas? Quand je parle de ce que les esprits ou bien ce que les génies n'aiment pas et ce que les entités aiment. Pardonnez-moi. Peut-être que le titre devait avoir un seul thème et qu'à l'intérieur de ce thème j'allais vous dire effectivement ce que les entités n'aiment pas. Ici, il faut reconnaître que il y a une différence entre un génie ou bien un ange, parce que le nom génie là, c'est chez nous en Afrique, dans certaines contrées. Et même ici, aux États-Unis, j'entends les gens appeler ça génie. Je parle des traditionalistes. Ceux qui, là, je parle des blancs, naturellement, qui croient à leur tradition. Ils appellent également les génies. Mais dans le langage religieux, ces génies-là, et comme vous pouvez là, j'ai un livre là. Un vieux livre que j'ai depuis près de 27 ans. Voilà, le grand livre des invocations et des appels adressé aux 72 anges servants ou génies de la Kabbale. C'est ça. Ce livre, on nous parle des génies de la Kabbale. Bien. Vous voyez, ils ont dit où? Donc, génie. Quand on parle des génies, il faut comprendre que pour ceux qui sont religieux, il s'agit ici de ce qu'on appelle les anges ou les archanges. Et dans cette famille des archanges-là, il y a des séraphins, il y a des chérubins et d'autres. Et dans cette catégorie d'anges, la Kabbale et la pratique traditionnelle africaine préfèrent utiliser le mot génie. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs catégories. Voyez-vous, il y a les principautés. Il y a les diamants. Il y a les dieux planétaires. Il y a les dieux de votre destinée. Il y a vos dieux à vous de la naissance. Il y a... Donc, c'est des différents génies, des différents esprits. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à la préoccupation de certains d'entre vous qui ont voulu savoir, en réalité, ce que les esprits n'aiment pas. Parce que beaucoup d'entre vous, pour ceux qui m'ont contacté, pratiquent la Kabbale. Et certains se sont vus bloqués quant à leur doléance normale. Et je leur ai dit que non. Quand vous connaissez réellement le code de communication avec les génies de la Kabbale, avec les génies de chez nous en Afrique, ou bien ce que vous appelez l'invocation des anges et des archanges, vous ne devez jamais avoir un blocage. Ils ne peuvent pas dire non. Mais si vous constatez que tout ce que vous, enfin, la demande que vous faites n'aboutit pas, je leur ai promis que je vais vous donner les raisons pour lesquelles ces demandes n'aboutissent pas. Par contraste, ce qu'on appelle les entités, c'est différent. Donc, je vais vous amener dans ce monde-là, des esprits, c'est-à-dire les génies. Ensuite, de l'autre côté, les entités. Parce que les gens font la confusion. Quand j'entends certains initiés dire « Oh, mais les entités de l'au-delà », ils confondent avec les génies de l'au-delà. Ok? Bien. Allons-y tout droit au but. Pour rappeler d'abord à tout le monde que celui que vous appelez Dieu, enfin, que tous que j'appelais, parce qu'en réalité, il ne s'appelle pas Dieu. Bien. Il a un nom. Maintenant, nous sommes tombés d'accord qu'on va l'appeler comme ça, Dieu de Dieu. Ce n'est qu'un titre. Donc, cet être intelligent, l'âme universelle, qui est au-delà de tout, qui est à l'origine de la vie, qui est la source du souffle de vie, l'esprit primordial, qui n'a ni fin ni commencement, l'alpha et l'oméga, l'appellent ainsi les Grecs. Donc, en français, ça veut dire le commencement et la fin. Quand vous priez, vous vous mettez à genoux, vous l'invoquez, vous l'appelez, en réalité, il ne s'intéresse pas à vos demandes. Ça va surprendre plus d'une personne. Parce que quand j'entends certaines personnes qui disent « Oui, je prie Dieu, oh merci Seigneur de m'avoir donné », en réalité, ce n'est pas lui qui vous donne. Parce qu'il n'a plus besoin de vous donner. Il vous a donné tout depuis le début de la création. Parce que sa logique est que, quand il vous a créé, au début de la création, il vous a créé à son image, il a fait de vous sa ressemblance et il vous a donné tout pouvoir. Les écrits nous disent même que et ils donnèrent, donc les Elohim ou bien Teta Mwanga donna sous couvert de ces Elohim-là, des autres dieux qui ont participé à la création de l'homme parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a créé. Il faut qu'on se comprenne. Mais le langage religieux veut qu'on dise c'est Dieu. Ok, arrêtons-nous à ce langage du jardin d'enfant pour dire que Dieu, celui que nous appelons donc tous Dieu, quand il s'est mis à créer l'homme, on nous dit qu'après la création, créé à partir de la poussière, poussière, tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est le même credo qu'on fait quand on fait la prière pour les partants, les morts. Et ensuite, on nous dit que Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie. Par cette technique, c'est la même technique que nous faisons lorsque une femme vient d'accoucher un enfant, l'enfant doit lancer un cri. Donc, le médecin va bouger l'enfant dans toutes les positions, va faire certains trucs. Et ensuite, l'enfant va lancer ce cri. Il va se mettre à pleurer. Et quand l'enfant lance ce cri, qu'on pense que c'est les pleurs, en réalité, il a maintenant le contact avec l'esprit divin. Mais les scientifiques disent que maintenant, là, l'oxygène est rentré en lui. Mais dans le langage spirituel, on nous dit, en fait, ce n'est pas l'oxygène, c'est l'esprit de Dieu qui est rentré. Donc, c'est Dieu qui souffle maintenant dans les narines de ce bébé, le souffle de vie. Maintenant, l'âme est rentrée dans le corps. Voilà pourquoi je maintiens toujours ma thèse. Je suis le seul à l'avoir dit. Et j'ai discuté avec certains scientifiques récemment. J'ai fait des séminaires par-ci, par-là. Ils m'ont dit, oui, votre logique semble acceptable. Ils ont dit, non, ils n'acceptent pas à 100%, mais ça semble acceptable. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, mes génies m'ont dit, je m'entête à le dire. Que normalement, l'âme intègre le corps d'un individu uniquement à la naissance. Et c'est dès lors que l'enfant lance ses cris, que le souffle de vie intègre le corps, c'est là où l'âme rentre dans le corps. Parce que l'âme ne peut jamais posséder deux corps à la fois. L'âme, l'enfant certes à 9 mois, il gesticule, il bouge, ça ce n'est qu'une coquille. Ce n'est qu'un corps matériel qui a certes tous les éléments nécessaires pour être en mouvement. C'est un être vivant, c'est un être qui est là-dedans, mais il n'est pas encore vivant à double sens. C'est-à-dire, il est vivant parce qu'il y a les cellules qui sont déjà là, parce qu'il y a les organes qui sont là, parce que tout est là, prêt à pouvoir accepter le moteur, accepter l'engin principal qui est l'âme. Voilà pourquoi je dis, cette âme-là, c'est une âme désincarnée qui va s'incarner dans ce nouveau corps. Bref. Pour rester cadré dans le sujet. Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image, et à la l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais il vous a tout donné. Vous êtes devenu la ressemblance de Dieu. Et puis, l'homme fut la dernière création. Selon les livres sacrés, l'homme fut la dernière création. Et on nous dira que et Dieu donc prit son repos au 7e jour. Et lequel septième jour va prendre bientôt fin? C'est ce septième jour-là qu'on appelle l'heure du Verseau, l'heure du retour du Christ, c'est-à-dire l'heure de l'éveil des consciences des hommes, où les hommes auront accès aux connaissances. Bref, donc, l'homme étant déjà une divinité, par essence, puisque ayant été créé à l'image de Dieu, il est la ressemblance de Dieu. Étant la ressemblance de Dieu, donc, il a toutes les capacités, il a le libre arbitre de décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Dieu lui a déjà mis tout ça. Et les écrits ajouteront même que et l'homme reçut, ou encore, et Dieu donna toute domination à l'homme. Dieu donna toute domination. Tout pouvoir fut donné à l'homme. Alors, Dieu vous a tout donné. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez encore que Dieu, dans son repos du septième jour qui va prendre bientôt fin, vous voulez encore qu'il vienne vous donner des réponses à vos prières. Puisque vous êtes une divinité, mais à l'état latent. Pour ceux qui sont ignorants, cette divinité est à l'état latent. Comprenez? C'est-à-dire que votre divinité somnole. Pour certaines personnes, cette étoile-là est endormie en vous. Pour d'autres, l'étoile est presque éteinte. Donc il faut réactiver. En un mot, le feu. C'est que les chrétiens crient tout le temps, le feu. Mais c'est l'esprit divin que Dieu a mis en vous. Maintenant, ayant cette capacité, déjà étant par essence une divinité, étant par essence la ressemblance de Dieu, pourquoi vous allez prier et demander à Dieu? Bon, les religieux diront parce qu'on a péché. Nous, les initiés, on dira c'est parce que on a tourné le dos à Dieu. Nous avons fait notre propre choix. On a voulu faire l'expérience de la vie de nous-mêmes, tout comme un enfant qui se rebelle au sein d'une famille. Donc, ceci étant, oui, le recours donc à la prière devient une nécessité. Mais Dieu, dans son amour, en réalité, ce n'est pas lui qui répond à vos prières. Le phénomène se passe comment? Le phénomène passe par pouvoir délégatoire. J'ai utilisé ce terme, je ne l'ai jamais vu dans le dictionnaire, mais je m'entête à l'utiliser parce que c'est le terme que les maîtres m'ont donné. Donc, par pouvoir délégatoire veut dire que les archanges, les anges, ou simplement les génies, ce sont eux qui normalement répondent à vos prières. Ce sont eux. Voilà pourquoi une jeune dame m'a posé la question. Oh, mais la femme de nuit là, ou le mari de nuit, c'est quoi? C'est pas des démons? J'ai dit non. Au jour de votre naissance, Dieu vous a assigné plusieurs esprits. Premier esprit, il vous assigne votre femme ou mari de nuit. Ce qui explique à l'état biologique, l'homme est en lui la dualité. Et cette dualité astro-biologique ou physiologique s'explique par la vérité que les religions ont dit que Dieu a créé Adam et Ève. Mais quand vous allez au 12e degré de la compréhension de ces paroles, il ne s'agit plus d'un Adam matériel réel ou d'une Ève. Nous avons en nous ce yin et yang, nous avons cette Ève et cet Adam en nous. Donc cette dualité divine est en nous. Vous comprenez? Ce qui fait que Dieu donc, dans son amour, il répond à vos prières. En réalité, ce sont ses délégués, c'est-à-dire ce sont les archanges ou les génies qu'il a délégués en la circonstance qui normalement répondent à vos requêtes. Si vous lisez dans le livre Le Mirage des 99 noms d'Allah chez les musulmans, on va vous expliquer que les 99 noms d'Allah, c'est en fait les différentes manifestations des qualités de Dieu sous couvert des génies ou les djinns. Dans le Kabbal, on nous dira qu'il y a eu 72, mais chez les musulmans, on parle de 99. Mais quand on parle de 72, allez-y lire le livre de Jacob. On nous dira que Jacob a rêvé. Il a rêvé une échelle. Et sur cette échelle, il y avait 72 génies, 72 archanges qui descendaient et montaient, 72 anges. Cette échelle, à elle seule, vous décrit déjà le grand mystère sur la communion et la communication entre celui que nous appelons Dieu et les hommes. Donc, cette échelle, c'est simplement le moyen de communication entre l'homme et Dieu, et ça passe par ces génies. Ce sont les génies qui se chargent. Si vous connaissez le mécanisme de prière quand vous priez, donc, vous adressez la prière à Dieu, certes, vous l'appellerez Dieu. OK? Ça marche. Puisque c'est comme ça, on nous l'a inculqué. Donc, on l'appelle Dieu, mais il a son vrai nom. Et lequel nom, on m'a appris que et ce nom est, je ne vais pas le prononcer, on m'a interdit de le prononcer, mais tout initié connaît ce vrai nom-là. C'est voilà comment on prononce son nom. On doit faire ça pendant 4 fois. Bon, ceux qui sont en train de se préparer pour me rencontrer, ils auront l'opportunité de connaître ce nom-là face à face. Je ne veux pas déballer ça ici. Et je leur expliquerai les mouvements de respiration. Quand vous mettez la tête du bas vers le haut, et ensuite vous orientez vers la gauche, et ensuite vous repartez vers la droite pour conclure, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vous expliquerai cela. Chez les musulmans, ils le font également. Allez-y savoir. Les musulmans, ils connaissent ce principe. Bref, donc ces génies-là, pour vivre en harmonie avec eux, en retenant que ces génies-là, ce sont les anges ou les archanges. Ok? Il est vrai qu'il y a des passages dans la Bible, notamment Jean, celui qui a écrit la Révélation, nous dira que non, quand il reçoit un rouleau, il y a un ange qui lui demande d'avaler ce rouleau. Le type dit, mais toi, tu me donnes d'avaler un papier, un papyrus, je vais faire quoi? Il dit, non, il faut manger ça. Et il mange, il se rend compte que c'est tellement amer. Ah! Oh là là! Mais, quelques temps après, quand ça rentre, il se rend compte que c'est très sucré. Et moi, j'ai expliqué que c'est la même chose quand on vient vous parler des affaires spirituelles et mystiques. C'est difficile pour vous d'accepter quand quelqu'un d'autre vient vous donner des révélations sur des choses qu'on vous a dit le contraire, qu'on vous a inculqué le cas contraire. Par exemple, au forum, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Mais quand j'ai expliqué toute la genèse, toute l'histoire, la cosmogonie universelle, humaine, par rapport à l'histoire de Jésus, certains ont eu la chair de poule, mais d'autres, par contre, étaient émerveillés de comprendre que ce qu'on leur a inculqué pendant 2000 ans, en réalité, ce n'est même pas 2000 ans. Prenez votre calculatrice, vous calculez 2019 moins 325, parce que c'est en 325, en réalité, qui était la pré-réunion même, qui, en fait, le concile de Nicée de 325 n'était pas le seul, l'unique, c'était d'ailleurs ça le premier officiellement. Mais après ça, il y en a eu encore 3 autres. Mais en réalité, c'est au concile de Nicée, de 325, c'est là qu'ils ont arrêté l'affaire de Jésus. Donc vous comprenez que vous prenez votre calculatrice, moi je prends le BIC, 2019 moins 325, ça me donne 4, 3 au T de 11, ça fait quoi? 9, ok? Et de là 4 moins, ça fait 16. Donc, normalement ça devait nous faire, je vais redoubler le machin, ok? 9, 11, voilà. Ça fait 1694. Logiquement, on devait dire que le christianisme fondé par les Romains a 1694 ans. Ce n'est pas 2019 ans. Je parle de l'âge. L'âge de l'Église catholique apostolique roumanienne, de laquelle vont naître les autres, le protestantisme, l'évangélisme, les églises dites éveillées, tout ça à partir du protestantisme, d'abord à partir du 16e siècle, les églises dites éveillées à partir du 19e siècle, vers les années 1800 et quelques, avec les différents mouvements que nous avons vus. Hein. Bref, je ne vais pas vous amener là-bas. Juste pour retenir ceci, que les grands mystères de Dieu, selon la vision de Jacob, l'un des fils d'Isaac, parce que souvenez-vous, Isaac avait 2 enfants. Il avait Ésaü et il avait Jacob. Bon, vous connaissez toute l'histoire. Ésaü serait celui qui est l'ancêtre de Palestiniens, par exemple, présentement. Et Jacob serait l'ancêtre des Juifs, ou des Arabes, ou plutôt des Hébreux. Bref, donc Jacob a une vision, il rêve une grande échelle dans sa vision et il voit les anges qui descendent et montent. Et il compte, on nous dit qu'il y a 72. Et c'est à cause de ça que les anciens initiés de la Kabbale vont nous dire qu'il s'agit bien de 72 génies de Teta Mwanga, donc les 72 archanges ou anges qui travaille avec la divinité supérieure. Parce que la divinité supérieure, on ne peut pas la voir. Et on n'a pas le droit de prononcer son nom. Mais par contre, ces entités-ci ont des noms. Vous comprenez? Et ils nous avaient interdit de citer les noms. Moi, je vous avais parlé du génie numéro 69 qui m'avait giflé, non? Vous en souvenez? Voilà. Il est à 10 degrés et 15 degrés des poissons. Je ne vais pas vous citer son nom. Il est interdit. Vous pouvez le citer quand vous faites vos travaux. Mais c'est dans ce cadre-là maintenant que je vais vous dire les choses que ces esprits-là n'aiment pas. Quand vous allez les invoquer, ça marche très bien. Moi, j'ai pratiqué ça depuis près de 40 ans. Ça marche. Il y a certains travaux où je suis obligé de les convoquer. Quand je suis un peu fatigué ou bien je la paresse, mais quand je me sens très bien, moi-même, je rentre en communion avec l'être suprême. Donc, ceux-là, donc, ils ont des dates qu'il faut les prier. Ce qu'on peut obtenir du génie numéro 69, on nous dit que ce génie numéro 69, je répète que je ne vais pas prononcer son nom, parce qu'il m'avait giflé. Je n'oublierai jamais cette expérience en 1997. Donc, cet esprit vous aide donc à retrouver les objets perdus ou volés et vous permet de savoir qui les a volés ou égarés. Et souvent, c'est un génie. C'est à cause de ça que moi je l'avais invoqué, parce qu'il vous donne la fortune et les héritages. Et la bienveillance des magistrats, donc quand vous avez une affaire au tribunal, efficacité dans l'étude du droit. Ceux qui veulent faire l'étude du droit, vous allez bien, machin. Le nettoyage et la liquidation du passé karmique, le pardon des péchés. Donc, ce génie-ci ou cet archange, quand vous l'invoquez, aux jours bien précis et aux heures bien précises, je connais toutes les heures, et si vous rentrez dans le livre d'Abraham l'Hommage, on va vous expliquer comment vous pouvez devenir des amis à ces génies-là et devenir également les amis des démons. Parce que l'initiation d'Abraham l'Hommage, qui dure 6 mois, hein, c'est une initiation. Malheureusement, au cours des stages, je ne peux pas trop vous lancer là-dedans. Il faut que j'habite avec vous pendant 6 mois. Sinon, j'ai été initié à ça par un vieux qui ne vit plus d'origine juive. Donc, cette initiation est très efficace. Ça vous permet d'être le maître de ces esprits-là. Hein? C'est-à-dire que, à un moment, cela, vous verrez dans les instructions que je vais vous donner, les interdits qu'ils n'aiment pas. Il y a certains interdits, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut d'abord que je vous donne l'idée globale de ce que ces esprits sont capables de faire. Je vous donne l'exemple du génie ou bien l'archange numéro 69. Donc, j'ai gardé un mauvais souvenir. Heureusement, mon ex vraiment m'avait sauvé de là, parce que c'est elle qui m'avait qui a entendu comment l'ange m'avait ce génie-là m'avait tapé contre le mur, j'ai perdu connaissance et tout ça. Bien. Et le dernier, lui aussi, le numéro 72, donc le 72e archange, lui, il vous protège dans des opérations mystérieuses et secrètes. Et certains amis même qui sont très riches l'utilisent. Quand ils ont des problèmes d'argent, qui sont impliqués dans des corruptions et tout, souvent quand vous l'invoquez tellement, votre affaire va passer sans problème. Succès dans toutes les choses et les conclusions finales. Il octroie une longue existence, il vous donne la longue vie. Et vocation pour la médecine, ceux qui veulent devenir médecins, si vous avez un enfant, c'est ce génie numéro 72 ou l'archange là qu'il faut prier tous les jours. Et vous écrirez à l'encre pas avec un bic comme ça, mais vous écrirez avec les bics faits à l'encre de Chine. Et vous écrirez le nom de l'enfant sur du parchemin végétal. Ne le faites pas sur le parchemin animal. Parce que quand vous écrivez sur le parchemin animal, généralement, ce sont les démons qui aiment ça. Quand vous écrivez sur le parchemin animal, parce que le parchemin animal, autant pour moi, il y a le sang. Et les entités du bas astral, donc les génies déchus ou les anges déchus, que vous appelez les démons, eux, ils aiment que vous fassiez les invocations sur ces grimoires-là que vous allez faire. Il faut les faire sur du parchemin animal. Mais par contre, les génies, les archanges qui sont des génies de la lumière, qui vous demandent des pouvoirs et tout, spirituels et tout ça là, eux, il faut travailler sur du parchemin végétal. Bon, là, autre chose que j'ai oublié de vous dire, que vous comprendrez qu'il vous donne succès dans toutes les affaires, il vous octroie une longue vie, il vous donne les biens matériels. Ah là, souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement, que normalement, les génies de Dieu, ou les archanges, ou les anges, leur rôle n'est pas de vous donner de l'argent. Quand vous allez demander à l'être suprême que moi je veux la prospérité. C'est un besoin légitime, hein? Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour cela que je vous invite à connaître à commander ce livre d'Abramelin le Mage. Ça va quand même vous donner une idée. Parce que Abramelin le Mage explique bien là-dedans, et selon l'initiation orale aussi que j'ai reçue, que lorsque vous vous adressez à ces anges-là, à ces archanges-là, ce génie, quel que soit le numéro, eux, en réalité, ils ont sous leur domination ou sous leur tutelle des entités qui sont soumises à leur volonté. Ce qui fait que, quand vous allez convoquer l'archange ou le génie numéro 72, puisqu'on nous dit que ces génies-là, que Jacob a rêvé en train de descendre et monter là sur l'échelle, c'est le pont de communion entre vous et Teta Mwanga Libanga Banga, Dieu, lui, n'est pas là pour vous donner l'argent. Il vous a déjà béni. Il vous a créé à son image selon sa ressemblance. Et ces archanges-là ou ces génies sont conscients. Donc, quand vous faites votre demande légitime, en réalité, ce n'est pas eux qui vous donnent. Eux, ils vont tancer. Je répète, eux, ils vont tancer ou gronder et donner des commandes aux esprits du bas astral. Parce que ce sont les démons qui sont les frères de celui que vous appelez Satan, là. Ce sont eux qui sont chargés de l'exécution des biens matériels. Vous comprenez? Parce que si vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 19, je vous l'ai toujours répété tout le temps, ou bien si vous lisez les livres sacrés, et si vous apprenez cela même auprès de la tradition, que le chef de ce monde-là, c'est l'Esprit Puissant qui était le frère de Jésus, selon la tradition juive, la tradition chrétienne. Mais ce frère-là, c'est qui? C'est Lucifer. Ce Lucifer a un autre nom, on l'appelle encore Satan, le diable. Mais souvenez-vous que, quand vous verrez l'histoire rapportée par les chrétiens, écrite par nos amis romains, on nous dira que Jésus-Christ, pendant qu'il sera en retraite de son jeûne qui a duré 40 jours, quand il sort de là tout maigre, faible, fatigué, donc Satan va sortir pour le mettre à l'épreuve. Et Satan va lui dire, bon, ce qui nous intéresse ici, Satan va lui dire, mais écoute, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, jette-toi là, et comme ça je vais te donner tous les gouvernements, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Yahshua n'a pas dit que, oh non, toi qui es menteur, les royaumes de la terre ne t'appartiennent pas. Non, non, non, non, non. Il a reconnu. Et souvenez-vous également dans le livre de Job, ceux qui connaissent le livre de Job, et dans le livre coranique également, j'oublie la sourate, je crois que c'est la sourate numéro 93, on nous dit que pendant que Allah ou l'être suprême était en réunion avec ses enfants là-bas, je crois dans le premier livre de Job, hein, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, mais surtout le chapitre 1 jusqu'à 3 qui nous fait qui nous rapporte la conversation entre Dieu et celui qu'on appelle Shétan. Donc, Dieu est en réunion, pour votre information, hein, tous les 3 mois, le créateur de l'univers se réunit avec tous ces génies-là. Tous les génies-là, tous les 3 mois, ils se retrouvent en réunion. Chaque génie a son rôle, chaque génie, par exemple, le dieu Sandalphon, le nom, je peux le prononcer. Pourquoi? Parce que c'est le dieu de la planète Terre. Sandalphon, par exemple, lui, tous les mois, il demande des rapports auprès de 4 différents génies, qui lesquels génies travaillent sous la botte des 4 archanges dont vous connaissez les noms. Je peux, sous le sceau de l'autorisation des maîtres, vous les connaissez, Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel. Donc ce sont eux qui gardent les 4 coins de la terre, ce sont eux qui vont relâcher, qui avaient relâché les vents lorsqu'on avait fait le déluge universel, ce sont eux qui étaient chargés de l'exécution. Et la même chose pour la prochaine fin du monde qui est prévue par le feu, ce sont eux qui vont activer. Mais sous leur botte, ils ont 4 génies également. Mais tous ces mecs-là, ces 4 archanges, ces 4 génies et d'autres sous 4, parce que je vous ai dit que toutes les 20 minutes, nous avons à notre disposition 4 génies, 4 démons, 4 anges. C'est comme ça marche. Et toutes les 20 minutes, vous devez les prier. Et votre humble serviteur le fait? Oui et non. Ah oui, à un moment donné, on me prenait des fous, surtout quand je ne travaillais pas, c'est ce que je faisais. Donc, vous pouvez recevoir beaucoup de bénédictions. Vous ne le faites pas dans le but d'avoir forcément des richesses. Donc, toutes les 20 minutes et toutes les 15 minutes, autant pour moi, vous aurez 4 archanges, parce que 4 fois 15, ça donne 60, n'est-ce pas? Donc, pendant une heure, vous avez à votre disposition 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, toutes les 15 minutes. Vous devez le faire. OK? Et donc, par rapport à cela, disais-je, ces anges-là ou ces archanges dont parle Job, c'est ça leur rôle, c'est de nous donner ce que nous voulons. Mais maintenant, je disais sur le propos que eux, si vous leur demandez les milliards et tout ce que vous désirez, ils sont prêts à les donner. Ils vont regarder d'abord votre comportement, ils vont regarder certains aspects, et ce sont ces aspects-là sur les conditions que nous allons parler ce soir. Souvenez-vous, c'est-à-dire les choses que ces génies-là n'aiment pas. À un moment donné, vous avez l'impression, mais mon Dieu, mais pourtant je jeûne, et pourtant j'exécute ce qu'ils m'ont dit. Hein? Je fais ceci, je fais cela. Mais c'est, pourquoi ça me bloque? Pourquoi? Quelle est cette affaire-là? Et les gens perdent leur foi en Dieu. Parce que, une fois encore pour votre information, quand vous priez Dieu en réalité, et conformément à Hébreux chapitre 11, verset 6, et conformément au livre, le livre qu'on appelle Al-Mustalafat, dans le Coran, et je pense que c'est dans le livre de Mazda, c'est à la, je crois, à la 27e lettre du prophète Mazda, on vous explique que quand vous faites vos demandes, en réalité, ces demandes sont toujours acceptées, mais à condition de ceci, ceci, cela. Bref, je vous recommande donc de commander ce livre-là. Hein, c'est le grand livre des invocations et des appels qui sont adressés aux 72 anges ou archanges. Je vous recommande ce livre. Pardonnez-moi, on a été encore coupé. Je ne sais pas ce qui se passe, les caprices, la technique. Donc ici, il fallait quand même que je vous dise qui sont ces esprits-là, hein, les génies. Donc, je vous ai défini qui sont ces génies. Ce sont les anges, ce sont les archanges. Et le livre saint nous explique que ceux-ci ont été créés directement par Teta Mwanga lui-même. C'est lui qui les a créés. Moi, je ne peux pas vous dire le mystère comment il a fait. Par contre, moi, je peux vous expliquer le mystère comment il a créé l'homme. Il a créé l'homme à travers les Elohim. Ces Elohim, c'est qui? Ce sont des êtres qui étaient très avancés, c'est-à-dire les maîtres invisibles. En d'autres termes, c'était les premiers génies. Ce sont ces génies-là qui ont normalement créé l'homme. Ici. OK? Ce sont eux. Ce n'est pas Teta Mwanga, le Dieu suprême, qui les a créés. Non, non, non, non. Teta Mwanga avait déjà donné l'ADN. Il avait déjà donné les formules de création. Il avait déjà donné tout. Le grand laboratoire était prêt pour la création de l'homme. Moi, je vous explique, en tant qu'initié, c'est comme ça. C'est comme moi-même, j'ai vu. Quand je voyage dans l'espace, le temps, mais on ne m'a pas montré en clair. On m'a montré seulement des êtres qui étaient là, autour d'un petit être, et c'est comme ça qu'ils ont créé le premier homme. Bref, maintenant, puisqu'on nous a dit que Dieu est rentré dans son repos du cinquième jour, Dieu a donné tout pouvoir à l'homme, il lui a donné la domination et tout, ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir est entre les mains de Dieu. Mais nous savons l'incident qui s'est passé, l'homme a tourné le dos à Dieu, et dans le credo religieux, que ce soit musulman, chrétien, ou shintoïste, ou autre bouddhiste, on vous dira que les démons sont allés finalement s'accaparer, dont notamment le chef desquels, Satan le diable, c'est lui qui est le chef. Puisque, souvenez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, on nous dira que c'était l'archange très beau, le chérubin qui était le plus beau, et par sa beauté et son orgueil, il écoute comment les dieux sont en train de prononcer, les Elohim ou le Dieu suprême, Teta Mwanga, en train de prononcer des bénédictions sur cet homme-là, sur le premier couple. Mais il se dit, mais tiens, mais c'est fini. Parce que l'homme, normalement, au vu du plan divin original, il devait être le maître de l'univers. Ça veut dire que même les anges que vous voyez là devaient écouter l'homme. Ah oui, oui, oui. Enoch l'explique dans son livre. Enoch l'explique. Et même Moïse. Par exemple, Moïse, quand il va recevoir la tablette, celui que nous appelons chez nous au Gabon, Moussavou, quand il va recevoir la tablette des 10 commandements, écrite de la main de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu littéralement qui l'a écrit. Sinon, Moïse lui-même sera en contradiction quand il le dit dans le livre d'Exode, au chapitre 19, que j'ai vu le visage de Dieu. Et quelque part, il dira, non, personne ne peut voir Dieu. Donc, il n'est pas contradictoire. Quand il voit le visage de Dieu, ça veut dire il a vu la manifestation de Dieu à travers ses délégués. Parce que c'est un Dieu de délégation. OK? Il est en train de travailler, il s'apprête à finir son 7e jour de repos. Et pour votre information, un jour, aux yeux de la cosmogonie et de la théosophie, un jour peut durer entre 49 à 55 000 ans, un jour. Donc, ces 55 000 ans, je prends la marge supérieure, qui arrive déjà à la fin depuis que l'homme est là sur la terre, donc, Teta Mwanga va faire certaines choses. Parce que l'homme, voilà pourquoi on nous parle de l'ère du Verseau. C'est l'ère où l'homme, normalement, devait se rattraper, comme ça s'est passé à l'époque de l'Atlantide. Et chez les religieux, ils vont dire qu'à l'époque de un certain... on l'appelait comment? Noé, et chez les Chinois, on dirait un certain Cox-Cox, qui avait construit un grand bateau pour sauver la race humaine, parce que la race humaine commençait à faire des bêtises bizarres et tout, et tout, et tout, résultant des créatures qu'on appelait humanoïdales. Okay? Humanoïdales veut dire que la rencontre entre les humains et les esprits, ils ont créé ces enfants-là, on les appelle les Néphélim, qui existent jusqu'aujourd'hui. Bref, je ne vais pas vous amener là-bas. Donc, La chose sur laquelle moi je vais bien insister, c'est de comprendre que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, normalement, quand on prie Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous répond. Il faut comprendre cela. La preuve en est que l'apôtre Paul en parle dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que quand vous priez Dieu, mais vous n'avez pas besoin de l'appeler, vous n'avez pas besoin de lui demander. Pensez simplement et croyez et retenez qu'il est le rémunérateur et quelque chose que vous demandez, bon, vous l'avez déjà. Donc, vous pensez seulement. Donc, l'apôtre Paul veut dire, encore dans d'autres versets, que en réalité, vous n'avez pas lui demander parce que par sa grâce et par sa volonté, il vous a déjà tout donné. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais nous qui sommes initiés, on explique que il a les anges, les 72 génies qui sont là. Chez les musulmans, il y en a 99. OK? Ça, c'est comme ça, la vie marche. C'est ce génie-là qu'il faut invoquer. Même quand vous priez, vous mettez la tête en bas, vous faites les rakats, là je parle de mes frères musulmans, vous criez Allah Akbar, Allah Akbar. Mais Allah agit sous couvert de ces 99 noms. Pourquoi? Parce qu'il y avait 100 noms, selon la tradition musulmane, mais le centième nom a disparu à cause de l'imperfection de l'homme. Donc, c'est les 99. Donc, maintenant, Jacob, dans son rêve, il voit 72. Et les 72 noms ont été révélés. Sauf ça, je vous ai dit que ces noms-là, il ne faut pas les prononcer n'importe comment, sauf quand vous faites le rite chez vous. Et on le prononce avec respect et tout et tout. Et on en parlera dans les commandements maintenant. Bon, vous avez donc retenu que quand vous priez Dieu, en réalité, ce sont les génies qui interviennent. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun péché de s'adresser à ces génies-là. Parce que ces génies-là, au début même de vos prières, je vous prends un exemple. Pour vous dire qu'en réalité, la même chose avec les prières de nos des prières que nous adressons à nos génies, à nos ancêtres, mais c'est pareil. Vous voyez? D'ailleurs, tous les noms de ces génies, vous verrez toujours le nom de Dieu y apparaître. Quel que soit le nom qui va apparaître, il y a toujours le tétragrammaton de Dieu qui est dedans. Vous connaissez le tétragrammaton en question? Yahweh ou Yahweh. Donc, le YHWH apparaît dans les 72 archanges. Quel que soit l'archange que vous allez, imposer. Vous comprenez? Parce que la prière, il faut retenir que la prière est un acte surnaturel qui est destiné à briser les limites de la condition humaine afin de rejoindre et d'influencer un événement quelconque dans votre vie. Et ceci se passe sous couvert des grandes qualités divines, c'est-à-dire à travers ces génies. Et ce sont ces génies-là, il y en a 72 qui gravitent autour du Créateur de l'univers. En fait, c'est un alphabet sacré, quoi. C'est un alphabet sacré duquel ressort le nom de Dieu. OK? Et ce nom de Dieu, nous l'avons dit, il apparaît sous la forme des tétragrammatons. Donc, je suis en train de vous chercher la prière d'introduction. Parce que dans la prière d'introduction, vous verrez que, avant de s'adresser aux anges et aux archanges, on vous demande prière d'ouverture. Ô éternel, être suprême, être de lumière, intelligence suprême, tu es le commencement de tout. Tu es le Dieu des dieux. Permets-moi, par ta permission, de rentrer en communion avec tes génies que tu as désignés et lesquels génies portent tes qualités, portent tes pouvoirs, portent ton honneur. Ainsi, être suprême, que ton honneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms, à travers ces archanges, à travers ces génies. Voyez-vous, maintenant après, vous commencez par le génie numéro 1 et vous l'évoquez. Ce génie numéro 1 nous dit que lui-là, bon, c'est pour battre le record. Si vous voulez être vainqueur dans des affaires de business, si vous voulez avoir un grand marché, par exemple, auprès de l'État gabonais ou je ne sais pas quel machin, vous appliquez. Bon, si vous ne connaissez pas, vous voyez un spécialiste comme moi et on vous fait les travaux. Hein? Il y a un nombre de bougies, il y a un certain nombre d'encens qu'il faut brûler, il y a des petits sacrifices qu'il faut faire, qui n'ont rien à voir avec des sacrifices humains ou bien des cabrés qu'on fait. Et puis voilà, les travaux se font en lune montante. Et après ça, vous faites ça normalement pendant 90 jours. Mais pour les chiens, le type a une aura vraiment très sensible, très pure, un homme qui respecte les principes que je vous parlais là. Oh, mais avant 30 jours, il a le résultat. Vous entendrez seulement par décret présidentiel. Tel a eu tel marché, un marché de 50 milliards. C'est comme ça. Mais ça, c'est selon la pratique de nos génies. OK? Mais les autres pratiques, il paraît, il faut aller sacrifier des humains. Donc maintenant, les choses qu'il faut éviter de faire, c'est quoi? Une fois que vous avez compris que nos prières, nos demandes ponctuelles, nous les adressons à Teta Mwanga, mais à travers ces génies qu'il a bien désignés. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que Dieu est en tout pour nous. Je répète, Dieu, celui que vous appelez Dieu, là, il est en tout et pour nous. Il est en tout comment? Mais je vous l'ai démontré par les 72 génies que Jacob, en train de rêver, il est là, éveillé, machin, il voit les anges qui descendent des montres, qui descendent des montres. Donc, cela symbolise que la communion, la communication, le contact, l'accès aux arcanes secrètes se passe par ce phénomène d'appel, de convocation de ces génies-là. Un, maintenant, une fois que vous avez maîtrisé cette technique, vous pouvez de vous-même. Moi, personnellement, j'ai atteint un niveau où je n'ai plus besoin de les invoquer. Non. Quand je veux quelque chose, j'y pense et je l'obtiens. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que j'ai maîtrisé la technique du contrôle de mes pensées, la technique du contrôle de mes émotions, la technique de me brancher à la, comment dire, à la, aux arcanes secrètes universelles, la technique de rentrer en contact avec la cathédrale universelle, la technique de rentrer en contact avec la mosquée universelle, la technique de rentrer en contact avec l'égrégore de Jésus-Christ. La technique. Donc, tout ça, je le maîtrise au point où j'ai mille et un choix où je peux me brancher et obtenir ce que je veux, si je suis paresseux. Mais quand je suis vraiment en bonne forme, comme ce local-là aujourd'hui, alors, je n'ai pas besoin. Je me concentre, comme quelqu'un l'a dit. Je pense, donc je suis, et j'obtiens ce que je veux, puisque votre être-té est en communion avec l'être universel. Vous êtes une âme vivante, une âme qui a été créée à partir de l'âme universelle, donc vous êtes ce qu'on appelle en anglais le puzzle. Donc, puisque vous êtes le puzzle, une partie de cela, et dans certains enseignements, je disais même que Dieu, en réalité, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Dieu, ce sont toutes les âmes dispersées sur toute la terre. Donc, nous sommes Dieu dispersé, ça et là. Et dès lors que nous rentrons dans cet état de conscience de notre existentialité par cette prise de conscience individuelle que nous appelons l'initiation, ben, on n'aura plus besoin de l'appeler. On va l'appeler pour aller où? Puisque nous sommes devenus maintenant un. À cause de lui, nous sommes un et nous sommes lui. En d'autres termes, Dieu c'est moi. Je suis Dieu exprimé. Mais ce langage choque la plupart des gens qui ne sont qu'au troisième degré de l'initiation et de la compréhension des principes de la vie. Voilà pourquoi, pour éviter de les choquer, vous-même, vous rentrez dans l'école de l'initiation pour le comprendre. Bon, maintenant, je ne veux pas trop vous amener là-bas, ce n'était pas le but, parce que là, moi, je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Mais là, nous allons rentrer dans les choses qu'il faut éviter de faire, tout en admettant la vérité que je viens de vous dire, que Dieu est en tout pour nous. Première chose, ce que vous devez éviter. Un, ces esprits-là n'aiment pas le bruit. Ça, c'est très, très, très important. Ils n'aiment pas le bruit. Il ne faut pas parler trop. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ne parlez que quand c'est nécessaire. Voyez-vous, c'est à cause de ça votre homme serviteur a deux jours dans la semaine. J'ai réfléchi, j'ai dit, ah, l'autre jour j'ai parlé d'un sujet politique, j'ai dit ceci, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est là où je rentre dans mon temple intérieur. Je ne parle pas, mais je parle à l'intérieur et je parle avec mes génies, je parle avec mes ancêtres. C'est là où je reçois des instructions. C'est là où je reçois des inspirations. C'est là où je visite. Et même, comme je l'ai dit ce matin dans le forum, c'est là où je sors en vampire. En d'autres termes, c'est là où je biloque, où je fais le phénomène de séparation corps-objet. J'abandonne ce sarcophage pour aller là-bas. Donc, ces génies-là, règle numéro une, n'aiment pas le bruit. La maison où vous habitez, écoutez le silence autour de moi en dehors de ma musique. Je suis dans mon temple. Certes, il y a des moments où je dors dans cette chambre, puisque je vis une situation où je ne dors plus à côté de qui que ce soit. Je suis seul. Mon fils, il est au campus là-bas. Le petit-fils, il est avec ses oncles. Donc, le silence est important. Le silence. Même la création tout entière s'était passée dans un silence total. Le fameux Big Bang, là, il n'y a pas eu de bruit. On a seulement vu comme des feux d'artifice. Voilà comment. Après, les cratères et tout le refroidissement des volcans, ça crée la planète Terre. Et avec toutes les composantes chimiques que Tétan Mwanga avait déjà prévues, la verdure a poussé. Les arbres ont poussé. Vous comprenez? Donc, la règle numéro une, le silence. Il faut éviter de trop parler. Éviter le bruit. Éviter d'être dans des endroits bruyants. Quand il y a une discussion, un débat, écoutez plus, parlez moins. Et quand vous constatez, et les génies vont vous faire signe, en tout cas. Moi, personnellement, les génies me font toujours signe. Après un moment, je dis, veuillez m'excuser. Mais monsieur Nouvier, vous n'avez rien à dire? Je dis, non, parlez, allez-y, parlez. Mais pendant ce temps, les génies m'inspirent. Et quand je vais dire un seul mot là, c'est ça là qui va faire taire tout le monde. C'est comme ça. Donc, évitez de trop parler. Parlez que quand c'est nécessaire. Je viens parler ici parce que c'est nécessaire. C'est des questions que les gens ont soulevées. Et les génies sont en train de s'exprimer à travers moi. Ils sont là. La preuve en est que tous ces livres que je vous montre là, c'est des livres qui ont été magnétisés. C'est-à-dire que ce sont des livres de pouvoir qui vous font rentrer en communion avec ces génies-là. Donc la règle numéro une, s'il vous plaît, évitez de trop parler. Donc, règle numéro deux, veillez vous initier dans la loi de ce que j'ai appelé la loi du silence. Donc, choisissez, ne fût-ce qu'un jour dans la semaine, évitez de trop parler. Parce que dès lors que vous commettez, ce n'est pas une erreur, mais je dis dès lors que vous manifestez cet intérêt-là, de commencer à invoquer ou parler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de libres invocations. Parce que le travail spirituel que je ferai au cours des forums, ça tournera autour de ça. Le pouvoir. Nous avons perdu notre pouvoir. Mais comment nous l'avons perdu? Nous voulons le retrouver. Mais comment retrouver ce pouvoir? Et c'est ça que je vais vous montrer. C'est de quoi je veux. C'est ça le but de l'initiation, en fait. Ce n'est pas forcément un bois sacré. Les gens pensent que les forums que je fais, vous verrez, je vais vous simplifier les choses. Mais en même temps, ça va être simplifié, mais en même temps aussi, ça va être effrayant parfois. Je préfère vous avertir. Parce que je ferai certaines expériences, forcément, qui doivent prouver que ces esprits existent. Forcément, qui prouvent que nous ne sommes pas les seuls sur cette planète. Nous ne sommes pas les seuls qui vivons dans cet univers ou dans ce cosmos. Nous sommes nombreux. Donc, la loi numéro 3, alors, comme je disais, la loi du silence est importante et il y a la loi, comment dirais-je, oui, je disais, il faut vivre loin du bruit et il y a une autre loi que les esprits n'aiment pas. Bon, moi, je ne fais pas l'avantadise pour dire que je n'inventerai pas là, mais normalement, vous verrez que les grands maîtres en général ne sont pas des gens qui sont gros. C'est des mecs toujours minces. Toujours minces. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi fondamentale qu'on appelle bannir les excès de table. Les esprits n'aiment pas ça. Parce que quand vous allez les invoquer, mais est-ce que vous savez quelle partie de vous-même qui rentre en communion avec vous? Mais c'est votre âme. Mais si votre ventre est bourré de bouffe, plein, le ventre est bombé n'importe comment, ne suivez pas les gens qui sont riches là, qui ont des gros ventres. Hein. Eux, ils travaillent avec les entités. Et c'est là où on voit la différence entre un génie et une entité. Eux, ils travaillent avec les entités, ou encore, ils travaillent aussi avec certains esprits, mais ils sont les esprits du bas astral. Comprenez? Eux, ces esprits du bas astral. Et les entités, eux, ils n'ont aucun principe d'observation. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vous donneront toujours ce que vous désirez. Mais les génies, c'est différent. C'est ça la différence. Donc, évitez d'avoir les excès de table. Évitez de trop manger. Je ne vous impose pas mon régime d'être végétarien. Je ne vous impose pas mon régime de manger uniquement quand vous avez faim. Parce qu'à un moment, je passe 2-3 jours, je n'ai pas faim, et je n'ai pas le droit de manger. Pourquoi je vais rentrer dans les histoires conventionnelles? Parce que l'histoire de manger 3 fois par jour, c'est des conventions. Bon, c'est vrai qu'à un moment, je mange un peu plus, parce que, bon, pour ceux qui le savent, je suis dans les arts martiaux, donc quand je m'entraîne beaucoup, et quand je vais soulever beaucoup de poids, bon, bien sûr, je brûle beaucoup de calories. Donc, par conséquent, il faut les remplacer par des protéines, par certaines vitamines, par certains machins, tout ça là. Et j'ai un médecin pour ça, que je paye. J'ai un diététicien que je paye. Donc, il me suit de près sur toutes ces histoires-là. Il me dit, ah non, monsieur Nouvi, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Par exemple, hier, là, il me dit, mais vous avez l'air fatigué, là. Il vient vérifier ma pression artérielle. Ah, mais c'est trop faible, mais quand même, il faut manger, il ne faut pas avoir l'AVC. Je dis, pourquoi? Ah, mais vous avez l'air fatigué. Je dis, non, C'est parce que j'ai beaucoup médité. Mais dit, oui, mais c'est pas grave, il faut toujours manger. Parce que là, je vous ai vu, vous avez fait au moins votre affaire de 300 pompes de chaque jour, là. Donc, le type me suit de près partout. Il a raison. Je ne vais pas mourir vite comme ça, là. Donc, parfois, nous, on se néglige, on se croit Superman. Ça, c'est votre cas. Le cas de votre homme serviteur. Au moins, je me croyais trop Superman. Je fais ceci. Après, je rentre dans le jeûne. Non, on ne rentre pas dans le jeûne quand vous avez déjà brûlé beaucoup de calories. Votre corps devient trop sec. Ce n'est pas bon. Il faut manger. Mais manger selon les règles. C'est-à-dire, le meilleur repas, c'est celui du matin. Manger. Mais pas manger de manière gourmande. Donc, en un mot, éviter la gourmandise. Ça chasse. Et les génies ne vont pas répondre à vos requêtes quand vous allez venir faire vos demandes. Okay? Et de surcroît, ne mangez pas les viandes rouges. Ensuite, les génies là n'aiment pas les alcools. Voilà. Votre âme serviteur ne prend pas les alcools. Mais on m'avait dit que le vin, vous pouvez prendre du vin en mangeant uniquement. Et même le jour où vous avez mangé en prenant du vin, n'osez pas aller provoquer ces mecs-là. On ne les provoque pas avec du vin ou de l'alcool. L'exemple des enfants du petit frère ou le grand frère de M. Moussa Abou, là, Aaron, qui était chargé de la tribu lévite. Vous savez, ces enfants-là, la Bible nous dit que quand il est allé, je ne sais où, et ce sont eux qui opéraient dans le sein des saints. Et quand on parle du sein des saints, c'était la troisième chambre d'adoration, parce qu'il y avait la première qui était réservée à tout le public, où les gens venaient déposer leurs sacrifices, amener les moutons, les cabris. Et il y avait la deuxième qui était un peu plus sérieuse, où les prêtres officiaient. Et il y avait la troisième qui était réservée uniquement aux véritables initiés de 50e degré, on peut appeler ainsi, s'il faut appeler ainsi, ou comme les maçons, là, 33e degré, donc au top des maîtres. Donc, eux, ils ne touchaient pas des femmes, c'était la plupart des gens qui étaient vierges ou qui étaient mariés, mais sévèrement ancrés dans la prière. Donc, les enfants d'Aaron, c'était ça leur... C'est pour cela. Dieu était bien organisé de choisir cette tribu. Donc, eux qui avaient accès là-bas, il devait être saint. Mais on nous rapporte que non, l'un d'entre eux est allé boire le vin. Et puis, pourtant, il n'a pas beaucoup bu. On nous dit qu'il a bu juste un quart de verre. Mais malheureusement, puisque eux, ils officiaient dans le sein des saints, il est rapporté dans les écrits sacrés, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, dans les livres même des Juifs, on nous dit que l'ange de Dieu gifla. Et l'enfant saignant des oreilles aux fesses, pour ne pas être grossier, et ses fesses et son sexe, le sang sortait de partout. On l'a trouvé là étendu. Et personne n'a entendu le bruit. Hein. C'est ce que rapporte le livre de Lévitique. Donc, s'il vous plaît, ce sont les mêmes. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et j'en sais quelque chose. En 1997, je vous dis, j'ai été giflé par le génie numéro 69. Ces mecs-là ne blaguent pas. Voyez-vous? Et je reconnais ce que j'avais fait. C'est parce que j'avais fait d'abord l'amour, le sexe avec mon ex. Mais j'avais oublié complètement. Donc, ces mecs-là ne blaguent pas. Voilà, le sexe, c'est la quatrième loi. Ne pas avoir sexe avant de les convoquer. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart des grands maîtres, ils restent célibataires. Quand il veut s'amuser, il va sortir avec une prostituée juste pour aller voler les énergies. Ou bien, bon, il a une femme, mais une partenaire, ou bien on les appelle comment? Ils ont un nom là. C'est tout. Mais sinon, eux, ils ne se marient pas légalement. Parce que les liens du mariage vous bloquent. Je parle des avancées, ceux qui veulent être des grands maîtres. Je ne vous dis pas maintenant d'abandonner votre mari ou votre femme. Mais je dis, le véritable maître qui veut vraiment évoluer dans ces choses-là, normalement, il n'est pas interdit, il n'est pas autorisé d'avoir une femme à côté de soi. Moi, je vous dis, toutes celles que j'ai connues, il y a eu c'était vraiment difficile de vivre avec elle. Jusqu'à présent, certaines d'entre elles continuent à m'appeler le monstre. Mais pourtant, elles ont du succès dans leur vie, j'ai fait des travaux pour eux et pour elles, elles réussissent. Bon, ça va, je ne peux pas parler de ma vie privée ici. Mais, pas d'alcool, pas de sexe, avant toute activité. Et même dans l'endroit où vous faites le travail, pas de sexe. Vous allez me dire, mais la plupart des francs-maçons, la plupart des grands types là qui ont des pouvoirs, ceci, cela, couchaient les femmes. Salomon, il couchait les femmes. Non. Salomon n'allait jamais coucher la femme dans le temple qui était consacré à ses travaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a valu la mort bizarre. Il avait plus de 750 concubines. Mais comment? Un homme va, moi-même avec 5, je ne sais pas, même si j'ai 18 ans, ça va commencer comment? Mais le type avait 750. Mais beaucoup, c'était juste des titres. Bref, les colères. Pas de colère, les anges, les génies là n'aiment pas. Si vous êtes un type coléreux, les génies là ne vont pas être amis avec vous. Si vous êtes un type qui est alcoolique, les génies-là ne vont pas vous aimer. Vous ne pouvez pas oser parler avec eux. Si vous êtes quelqu'un qui aime le tabac, les génies ne vont pas vous accepter. OK? Et la chose qui les énerve le plus, ça c'est très très important, c'est le fait de mal prononcer leur nom. Oh là là là là là. Ça c'est grave. Soit vous pouvez être puni, giflé, tombé, si vous allez vous évanouir là, si on ne vous réanime pas même, vous allez mourir. Parce que le fait de mal prononcer leur nom là, va s'aimer la confusion dans le monde astral. Et ce nom-là, ça peut être le nom d'un démon. Et c'est maintenant le démon qui viendra vous posséder. Donc, évitez de mal prononcer. Moi, j'ai été initié pendant 7 ans à bien prononcer les noms de ces esprits-là. On les prononce avec le ventre, avec la respiration. Voilà pourquoi, par exemple, les musulmans sont les seuls qui connaissent le code de respiration du langage. Parce que l'arabe et l'hébreu, c'est pareil. Ils ont le même nombre de lettres. Je vous prendrai un nom qui est connu de tous. C'est le nom de Yeshua. Mais comment on prononce le nom Yeshua? Yeshua. Yeshua. Voilà comment on prononce ce nom-là. Mais beaucoup ne savent pas. Ah oui, ça s'accompagne avec le gestuel, ça s'accompagne avec la respiration. Donc, des 72 génies là, c'est comme ça. Bon, je vais citer un nom qui ne fait pas partie de 72, j'espère bien. Moutata. Moutata. Voyez-vous, il y a une manière de prononcer, c'est-à-dire qu'il y a des consonnes où on met l'accent. Par contre, le M et le N, c'est des lettres molles. Voilà pourquoi il y a une certaine mollesque, ou comment on a dit ça en français. Il faut le prononcer de manière doux. Mou-ta-ta. Parce que ta, ka, c'est des lettres fortes. Dans les armations, on nous l'apprend. Bref, c'est un exemple. Donc, évitez de mal prononcer leur nom. Ensuite, j'ai dit ne pas aimer le sexe, donc ne pas faire l'amour à l'endroit où vous faites vos travaux. Cela est très, très, très important. Évitez de faire l'amour avant toute activité. Maintenant, vous avez vu ces interdits, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit les choses que les génies n'aiment pas et les choses que les entités aiment. Maintenant, on va passer de l'entité. Mais une entité, ce n'est pas une création divine. Voilà ce que je voulais vous dire. Par contre, un génie, un ange, un archange, ok, est une création divine, créée directement par Teta Monga, l'être suprême. Un esprit désincarné, on peut dire que c'est un esprit divin. Moi, Marion Ouvier, si je quitte ce monde et je me retrouve dans l'au-delà, mon âme est une âme divine. Vous comprenez? Donc, je suis un esprit. Par contre, une entité est une création humaine. Je vous ai parlé de cela dans la pratique des magies et des esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont des esprits qui sont faits à base des élémentaux, des esprits élémentaux. Les esprits élémentaux, c'est quoi? C'est des esprits qui sont faits à base des 4 éléments de la nature. J'ai appelé ça la fabrication des petits boutis. Par exemple, les religions également, avec leur affaire de Yahshua, de Jésus, les religions avec certains noms qu'ils donnent à leur religion, ce qu'on appelle les égrégores. Vous savez ce que c'est une égrégore. L'égrégore, c'est une énergie qui est créée à partir d'un ensemble d'individus qui décident de créer une religion et tout, et tout, et tout, et tout. Mais dans le plan invisible, ça crée un esprit. Mais cet esprit n'est pas un esprit créé par Dieu. C'est ça la différence. C'est une entité. Donc, Yahshua, Jésus-Christ des chrétiens, pardonnez-moi de vous choquer, c'est une entité égrégorique. La même chose avec Allah, que comment il s'appelle, Mahomet a créé, il a dit, Dieu lui a parlé tout, et des hommes on l'appelle comme ça, mais c'est un arabe, on l'appelle Allah. Mais Allah, dans le monde invisible, est une entité égrégorique, avec tout pouvoir, qui n'est pas d'une création divine, c'est une création humaine. Donc, toutes les religions qui se réunissent autour d'une philosophie, qui se retrouvent autour de quelque chose, Église du christianisme céleste, l'église, comment vous pouvez l'appeler, Abraham est debout, église des rois Jésus-Christ en bas ou des machins, église des élus de Dieu, tout ce qui crée cette église, c'est venu d'abord d'un individu, tout comme les témoins de Jéhovah. C'est un monsieur appelé Charles Taze, Charles Taze, Taze Russell. C'est Charles Taze Russell qui, en 1868, était d'abord étudiant et un ancien membre de l'église presbytérienne qui existe, c'est la première église aux États-Unis. Les presbytères, ils ont vu le jour au 18e siècle. C'est d'ailleurs la première et la plus vieille église qui avait participé au massacre des Noirs et qui avait participé à la réunion de 1883 là-bas, comment on appelle ça, à Berlin, en Allemagne, pour venir piller les richesses de l'Afrique. Donc ce type de Charles Taze Russell était un presbytérien, ministre presbytérien, devint étudiant de la Bible, créa alors le mouvement appelé Témoin de Jéhovah. Il a interprété le livre d'Ésaïe, chapitre 43, du verset de 10 jusqu'à 12. On vous appellera, vous serez mes témoins de tous les miracles qui se passaient en Égypte. On dira, Jean, vous êtes mes témoins. Or, ce message s'adressa simplement aux 12 dieux, qui, disons, aux dieux d'Égypte, à tous ceux qui s'étaient fait initier, qui ont suivi la voie royale initiatique. On dira, vous allez faire le témoignage, parce que l'Égypte est le premier empire, la première puissance mondiale, donc vous irez témoigner ça partout. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous disons avec force, et même les Américains le reconnaissent, que l'Afrique, c'est le motherland. L'Afrique, c'est l'Égypte est le centre de tout. Et même les Grecs ils sont allés s'installer. Ptolémée Chauter, je vous avais dit, avec ces gens-là, les Grecs qui se sont installés, ils ont créé la ville de Philadelphie, la Bible, machin, comme étant la ville de centre du savoir de tous les écrits anciens. Ils ont réuni pour en faire ceci, cela. Bon, bref, une entité, je le répète, est une création humaine. Donc, les génies de richesse, plutôt, vous voulez fabriquer un dieu de richesse, vous allez voir un marabout, vous allez voir un ganga, et le type, pas un ganga c'est le connaisseur des plantes, moi je suis un ganga, mais vous allez voir un spécialiste des sciences occultes ou un mercenaire de l'occultisme pour lui dire, bon, moi je vais être élu député. Bon. Au même moment, au lieu de venir me voir, parce qu'il y a un génie ici, là, ce génie-là ne va pas vous demander de sacrifier quelqu'un, mais le type dira, ah, vous voulez devenir député, oui, bon, mais maintenant là, il vous faut des esprits, bon, ok, on va faire. Est-ce que vous êtes prêt à tout donner? Oui. Mais c'est là, vous voyez, les crimes rituels. Mais ces crimes rituels, ces âmes des êtres qu'on tue, vont être au compte de qui? Ils ne vont pas être au compte des entités créées par les hommes, mais ils vont être au compte des esprits déchus, ce que les hommes appellent les démons. Et nous, les initiés, on les appelle les esprits du bas astral. Pourquoi du bas astral? Parce qu'eux, ils n'ont plus accès à la lumière divine. Ils sont même jaloux des gens comme nous, comme vous, qui avez accès à la vraie connaissance, véritable connaissance. Donc, les deux catégories-là, les catégories des anges déchus, la catégorie des entités que nous fabriquons, une bague qu'on va vous fabriquer, qui demande la convocation de certaines énergies à gauche et à droite, ou bien une bague qui est faite à base d'une pierre magnétique, mais tout ça, ce sont des entités. Parce que c'est l'être humain qui crée ça. Il faut croire, moi, je suis le prophète Tata Nyango. Tata Nyango, c'est le nouveau prophète du Gabon. Voici un mouvement qui se crée. Les gens, je ressuscite les gens. Et les gens vont voir que je ressuscite. Oh, c'est qui là? Monsieur Onoubia, son nom de prophète, c'est quoi? Tata Nyango, mais vous avez vu, il a ressuscité un bébé. Vous avez vu? Oh, les gens ont du boulot. Les gens vont affluer vers moi. Mais maintenant, le prophète Tata Nyango va vous dire, bon, moi, vous ne venez pas me suivre, hein, mais il faut suivre Tata Nyango parce qu'il s'est incarné à moi. Mais qui est Tata Nyango là? C'est le nom du Dieu, le nom de la religion que nous créons. Mais cette religion qu'on crée passe par le recrutement des personnes qui maîtrisent la science politique, qui maîtrisent plutôt la psychologie, qui maîtrisent la manipulation psychologique et somatique, comme je l'ai toujours expliqué dans mes enseignements. C'est-à-dire des mecs qui sont capables de convaincre, qui ont le sens de convaincre, qui sont des bons manipulateurs. Hein? Ils sont bien assis dans la culture mystique, spirituelle. Ils connaissent comment les grands, ils connaissent tous les mouvements religieux, ils connaissent qui est, comment l'histoire de la religion de Jésus a été créée, comment Moïse, machin, comment Mahomet a fait. Donc, en un mot, je remplis un peu ces conditions-là, puisque je fais théologie, j'ai étudié tout cela, j'ai étudié la théosophie, j'ai étudié la cosmogonie humaine, j'ai étudié l'histoire du monde, les géographies, tout. Bref, alors je crée maintenant Tata Nyango. Tata Nyango, c'est le nom du Dieu. Et les gens vont se greffer sur Tata Nyango. Donc Tata Nyango, au fur et à mesure, va grandir. Et il y aura des recrues. Les gens vont venir du Congo, les gens vont venir du Sénégal. Et puis les miracles se multiplient. Donc moi, je suis ce prophète-là. On m'appelle le prophète Tata Nyango. Voilà. Donc, mais les miracles qui se produisent au sein de mon mouvement-là, c'est provoqué par quoi? Ce n'est pas Teta Mwanga Libanga Banga, l'être suprême. Non. Bien qu'on prétende que c'est lui. Non. C'est Tata Nyango. Mais Tata Nyango, c'est l'entité ou l'esprit que nous avons créé. Mais cet esprit est créé par des esprits des hommes. Si par exemple, 10 millions d'humains se sont greffés sur Tata Nyango, mais la somme des énergies dégagées par tous ces 10 millions-là, finalement renforce qui Tata Nyango qui était fragile devient un Tata Nyango puissant. Je vous explique le phénomène avec l'Église catholique et l'Église chrétienne. Aujourd'hui, ils sont près de 4 milliards. Mais voilà pourquoi il y a des miracles. On voit la Vierge noire qui pleure, une statuette qui va verser les larmes des sangs. Mais c'est parce que ces statuettes-là sont chargées par une entité puissante appelée Ave Maria. Mais la pauvre Ave Maria, vous savez là où elle est? Elle a été enterrée quelque part, mais machin, ce n'est même pas une vraie machin d'histoire montée à gauche, à droite. Mais tellement les gens ont greffé leur foi dans cette croyance et dans cet égrégore. Donc cet égrégore est une entité. Alors, pour conclure, que les règles d'observation des principes de convocation de génie ne s'appliquent pas dans le cadre de magie égrégorique, ne s'applique pas dans le cadre de magie noire, s'il faut appeler ainsi. Magie noire veut dire quoi? Quand vous allez voir quelqu'un, vous dites, moi, je vais devenir député. Le type va te dire, bon, il faut sacrifier ta mère, il faut sacrifier, il faut aller chercher des filles, il faut se faire ceci. Comme vous le voyez, ça se passe en Afrique. Des mecs, avant de donner du travail à quelqu'un, on va lui dire, je te promets mondes et merveilles, je vais te donner un portable, un téléphone, comment on appelle ça? iPhone, dernier cri, et puis je te mets sur la table, et puis c'est tout. Tu me donnes le plaisir et tu as le boulot. Ce genre de pratiques-là, ce sont des pratiques démoniaques. Ce sont des pratiques qui dégagent des énergies dans le monde invisible et ces énergies nourrissent les esprits des miasmes du bas astral. Mais qui sont les esprits du miasme du bas astral? Mais ce sont les esprits déchus de Dieu et ensuite certaines âmes désincarnées, des êtres humains sur Terre qui ne voulaient pas opérer des changements dans leur vie. Leur âme, donc, erre ça et là, à cause des émotions des gens. Jean-Yves, oh, moi, tout le monde pleure Jean-Yves. Jean-Yves, donc, son âme ne peut pas libérer. Donc, il reste là, en train de se balader dans les terres, là, à gauche, à droite. Et donc, il se nourrit. Si c'est quelqu'un qui aime les femmes, ben, il va inspirer un mec qui aime aussi les femmes, il va lui donner même des idées bizarres. Peut-être enfoncer le bâton dans l'anus de la dame, pardonnez-moi. Mais c'est comme ça. Donc, je vais me taire ici que. Je vais m'arrêter ici pour vous dire que les règles de ce qu'il faut éviter ou les règles qu'il faut observer quand vous rentrez dans la magie d'invocation ou d'appel ou bien lorsque vous voulez rentrer dans la technique initiatique, ça fait partie des techniques initiatiques douces mais à la fois également fortes, mais beaucoup plus douces. C'est-à-dire que vous devenez vous-même opérateur. Où vous faites vos demandes et vos doléances, vous adressez simplement au génie de Dieu. Mais ce génie de Dieu, c'est qui? Mais ce sont les qualités, les diverses manifestations de Tétan Manga, Dibanga Banga. Il se manifeste de mille et une façons, de millions de façons. Sauf que la Kabbale a retenu 12, 72. Et ces 72-là, ce sont des génies ou des archanges qui sont chargés de tout le pouvoir et divin même, de lui-même, le créateur de l'univers, l'âme universelle. Ce qui fait que quand vous adressez à tel ange ou à tel génie pour lui dire, moi, je veux la gloire, je veux être président, mais en réalité, c'est Tétan Manga auprès de qui vous adressez. Mais comme lui, il est maintenant, il est occupé à faire d'autres choses. Ce n'est pas qu'il n'est pas conscient, mais il est à la fois, comme on le dit, qu'il est omniprésent. Il est omniprésent de par la manifestation de ses 72 ou 99 qualités. Mais ces 99 qualités sont distinguées sous forme de différentes, demandes, sous diverses formes, demandes du pouvoir et de la justice. Mais ça, c'est une manifestation de la qualité de Tétan Manga sous le nom d'un ange ou le nom d'un génie qui porte cette qualité-là. Vous voyez? Tétan Manga, le dieu de protection. Mais il va être là-bas. Par exemple, il y a un nom, on l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Mais il y a un archange qui a la combinaison de Jéhovah Jireh là, sous un nom que je ne vais pas prononcer. Alors lui là, c'est le dieu pourvoyeur. En d'autres termes, Tétan Manga vous pourvoit. Mais le rôle de ce génie, c'est de vous pourvoir ce que vous désirez. C'est, je crois, le génie numéro 53. Mais ce génie numéro 53, son rôle ne sera que vous donner ce que vous désirez. Parce que ça, c'est la manifestation de Tétan Manga, l'être suprême, l'âme universelle, Dieu le Père, Yahweh, comme vous pouvez l'appeler. Mais lui, personnellement, n'intervient pas. Mais c'est une partie de lui. C'est aussi lui qui intervient d'une manière indirecte. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être que l'enseignement est complexe, je ne sais pas. Hein? Voilà comment la magie des génies marche. Ok? Maintenant, quand vous êtes avec les histoires de petits boutiques de la richesse, le petit boutique de la prospérité, les mêmes conditions, hein, mais vous avez votre petit boutique, mais vous pouvez même, la femme peut vous faire ce que vous voulez, vous pouvez même coucher mille et une femmes, le boutique ne va pas se fâcher, parce que le boutique, lui, ah, tant que vous lui donnez sa nourriture, son rôle, il a été créé pour vous donner quoi? Pour vous donner le succès. Et donc, je vous avais expliqué dans l'enseignement, vous avez déjà dit, fixé sa date où il va mourir. Donc, lui, tout ce que vous allez demander là, il va donner. L'essentiel, que vous respectez la date là, parce que vous avez déjà décidé la date de sa mort, hein. Mais si vous oubliez la date de sa mort, c'est fini, il va devenir monstre. Et ça devient une entité dangereuse et mortelle, comme les golems que les juifs fabriquaient, qui bastonnaient les gens n'importe comment, allaient tuer les gens n'importe comment. Ces golems-là devenaient des monstres dangereux, parce que c'est une entité maintenant puissante, un grand esprit qui est capable de vous gifler, tuer des milliers de personnes à la machine. Et les juifs étaient très forts dans cette pratique-là, bien reconnue vers le 7e jusqu'au 11e siècle. Et on a participé même à la destruction de certains golems, mais ça a pris beaucoup de cérémonies. Il fallait appeler des grands rabbins qui maîtrisent ces histoires-là. Donc, c'est la même chose avec votre petit boutique. Si la durée de vie d'un petit boutique, normalement, c'est 3 ans. Mais après les 3 ans, si vous ne respectez pas, vous n'allez pas me dire, « Oh, mais monsieur, j'ai oublié, il y a eu un conseil des ministres, là, j'ai oublié de machin. » Je dirais, « Oh, ah bon, oh, moi, je t'avais averti. » Et votre petit boutique va vous bastonner. Le petit boutique va vous dire, « Non, moi, ce n'est pas le miel là que monsieur Onoubia me disait que toi, tu vas me nourrir avec le miel. Moi, maintenant, c'est que je veux c'est le sang. » Oh, monsieur Onoubia, pardon. Je dis, hein, le boutique me demande le sang. Je dis, oh, monsieur Makaya. Oui, monsieur Onoubia, mais moi, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'un petit boutique là, ces entités-là, c'est moi qui ai créé. Je les ai créés, j'ai donné une vie à ces machins-là. Ça dure 3 ans. Mais toi, tu as dépassé les 3 ans, toi, tu es toujours dans l'émission. Oh, le président m'a envoyé là-bas les pigeons. Je t'avais dit qu'il faut détruire. Il n'y a que toi seul qui connais le mot de passe. Tu as le symbole de lui faire appel. Tu es content, il t'a donné toutes les belles femmes, il t'a donné les milliards, tu touchais, troublais le cœur du président de la République. Maintenant, là, il te demande le sang. Mais il faut donner, moi, je ne suis plus dedans. Hein. Oh, mais monsieur Onoubia, comment je vais faire? Je dis, ben, débrouille-toi. Bon, écoute, oh, petit boui-boui-ti, oh. Oui, monsieur Makaya, moi, je veux le sang. Oh, attendez. Monsieur Onoubia, aidez-moi. Vous criez, aidez-moi. Moi, je ne peux rien. Moi, je ne suis pas là pour faire le mal. Je vous avais prévenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Makaya, donc, va aller voir un spécialiste, un mercenaire de l'occultisme, ou bien aller voir un marabout. Le marabout, c'est son boulot. Il dira, oh, mais qui vous a fait le génie là? Oh, c'est Maître Moirion ou bien? Mais il vous a dit quoi? Oh, il m'a dit que normalement, bon, en tout cas là, il a raison, hein. Bon, mais moi je suis quand même chargé des missions du président. Mais quand même, vous pouviez remplacer, mais oui, mais écoutez, vous avez eu tous les millions, maintenant il faut sacrifier. Mais ah, je suis prêt en tout cas, moi je suis prêt. Et il demande quoi? Il demande un humain. Ah ben, voilà les morts bizarres au sein de votre famille. Tout ça, ce sont des entités. Ça n'a rien à voir avec le génie. Parce que les génies qui sont des lumières, des esprits de lumière qui sont des archanges, eux, ils ne sont pas là pour faire ce genre de conneries. Eux, au contraire, pour vous protéger, refusent votre demande. Ou purement, quand vous n'observez pas les lois, ils refusent. C'est comme ça. Moi, vous me demandez de prier un génie là pour faire telle chose. Parce que là, je crois que je vais bientôt arrêter là. Il y a des gens qui m'ont demandé de prier pour vous. Je vais appeler ce génie là. Mais maintenant, le principe, c'est moi. Ce n'est pas eux. Moi, je ne veux pas te dire, toi, ne touche plus ton mari. Non, là, c'est moi qui le fais. Mais si c'est toi-même qui dois le faire, je te dirais, va prendre le livre, fais ceci. Il faut qu'on t'initie à ça. Maintenant, quand une fois tu as reçu l'initiation, vous êtes averti. Hein? Il n'y a pas question de brûler ces étapes-là. Mais par contre, si vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, non, oh, fais-moi une bague. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire la bague. Bon, la bague là, hein? Oui. Ah, mais en tout cas, ça, c'est la bague des 3 yeux. Oh, mais... Comment, monsieur Moiré, la bague de 3 yeux? Oui, oui, mais moi, ça ne blague pas. Oui, ça, c'est la bague des 3 yeux. Alors, cette bague-là, je l'ai travaillée. J'ai travaillé ça pendant 3 ans, hein, et sans relâche. Mais là, il y a eu le sang. Donc, sachez que quand vous allez la porter, cette bague va vous donner tout, protection. Même qui est dans l'avion crache. On te retrouvera vivant quelque part. Mais qui te prend là? Mais ce sont les entités qui sont ici. Ce sont les génies qui sont là. Et maintenant, ils utilisent le mot génie à tort et à travers pour dire qu'il y a le mauvais génie et les bons génies. C'est où le phénomène de les esprits déchus ou les esprits fidèles. Les esprits fidèles, c'est qui? Ce sont les anges qui sont là, les 72 que la Kabbale a identifiés. C'est-à-dire, ça a commencé par Jacob dans son rêve qu'il a eu. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire en conclusion pour vous dire, faisons très attention à les pratiques que nous faisons. Parce que ces pratiques peuvent engager notre vie et notre mort. Hein? Donc, ce qui répond à la question que quelqu'un m'a posée ici, donc Suivez cette vidéo à tête reposée chez vous, partagez à qui de droit, ceux qui sont dans la magie de pratique, cérémoniale, s'applique à eux, ces conseils s'appliquent à vous. Parce que quand vous êtes dans cette pratique-là, ces génies sont à votre disposition, rassurez-vous. Moi, ils sont nombreux là auprès de moi. J'ai même les génies du vaudou, les génies de ceci, tous ils sont autour de moi là. Mais vous devez être le maître de tous ces esprits-là. Et quand vous êtes le maître de ces esprits, évitez de vous mettre dans des colères bizarres. Parce que quand vous mettez dans des colères bizarres, vous allez chasser, ou bien cette colère va se tourner contre vous-même. Ce qui explique certaines morts brutales de certains initiés. Ah oui, et même dans la loge maçonnique, moi j'avais atteint, quand j'étais, je crois, au degré numéro 27. Ah oui, quand j'étais au degré numéro 27, il y a certains rites que j'ai fait, mais par erreur, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais je vous dis qu'il fallait l'intervention du grand maître, de notre juridiction et de notre région. Dans l'état de l'Ohio ici, le type, on l'a dérangé d'ardard, il était pourtant au travail. C'est un médecin, obligé de venir immédiatement. Sinon, peut-être j'allais perdre la vie. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très, très attention là, quand vous rentrez dans ces histoires-là. Il y a des entités qui ne blaguent pas. Donc, il faut respecter les règles. Je ne suis pas en train de vous effrayer, hein, mais puisque vous acceptez de rentrer dans le monde spirituel, je vous avais toujours prévenu qu'il ne faut jamais avoir la peur. Voilà, ça, j'ai oublié cette règle. C'est la règle numéro 10. La pratique spirituelle déteste les peureux. Si vous êtes une personne peureuse, là, ne venez plus me suivre. Si vous, tous ceux qui me veulent, voulez me recevoir bientôt, là, je sais, il y a déjà une équipe, je ne vais pas vous dire quel pays. Ils sont nombreux, là, ils sont plus de 20 maintenant. Ils sont prêts à me recevoir. Les cotisations commencent en désordre, tout ça, là. Vraiment, tout le monde pleure, ils veulent me voir. Bon, je vous avertis que vous, là, n'ayez pas l'esprit de peur. Parce que la peur est l'ennemi numéro un qui vous empêchera d'évoluer. Et ça, il faut le comprendre. Vous n'êtes pas en train de faire un jeu des enfants ici, là. Vous jouez avec les esprits. Et moi, avec ces esprits, je parle avec eux tous les jours. Pendant que je vous parle, ils sont là avec moi. OK? Je ne rêve que d'eux. Je les rêve. Quand je marche, je sens qu'ils me portent. Quand je suis fatigué, je sens il y a quelqu'un qui m'attrape. Mais je suis habitué. Mais si je n'étais pas habitué, les gens allaient me prendre de fou. Voyez-vous? Mais les esprits sont là, ils sont réels, ils existent. Nous ne sommes pas les seuls, je le répète. Nous ne sommes pas les seuls. Sauf qu'il y a certaines personnes qui connaissent ces mystères-là. Voilà pourquoi on est initié. Un initié, c'est quelqu'un qui connaît les secrets et les mystères de la vie. Et il les applique dans sa vie, silencieusement et tranquillement. Voilà pourquoi on vous a dit que faites très attention à la loi numéro 1. Là. Évitez de trop parler. Vos secrets sont vos secrets. Là, je viens parler, ce n'est plus un secret. Je suis un initié. Tout le monde devait le savoir, que quand on est initié, vous êtes quelqu'un qui deal avec les esprits. Vous êtes quelqu'un qui travaille avec les esprits. Que ce soit les bons esprits ou les mauvais esprits, je ne peux pas vous cacher. Ah oui, oui, oui, tous ils sont là. Mes ancêtres, parfois même, me reprochent. Je dis, toi, laisse les histoires des Népaliens, là. Toi, tu as vu tel esprit, là, c'est un Népalien, il ne t'aime pas. Laisse-le. Et puis, j'écoute. Les histoires du vaudou, c'est pareil. Quand le vieux Meyesson, le monsieur béninois, là, m'avait initié à Port-Gentil, il m'avait averti, il dit non, il ne faut pas suivre. Quand tu parles à ces génies, il y a des génies qui n'aiment pas. Parfois, c'est comme nous sur Terre, il y a des êtres humains qui sont racistes, qui n'aiment pas voir un noir ou bien qui n'aiment pas voir quelqu'un d'une autre peau. Mais c'est pareil dans le monde spirituel. Voilà pourquoi moi je vous mets en garde avec les histoires des religions des balades. Au cet endroit des Padou. Toi, tu connaissais qui était dans cet endroit des Padou. Bref, nous allons nous arrêter ici pour juste retenir que les esprits, ils ont leurs lois et qu'il faut respecter ces lois-là. Et quand vous respectez ces lois, il ne vous arrivera aucun mal si vous marchez conformément aux consignes qui vous sont données. OK? Parce que c'est très important de comprendre. C'est très, très important de comprendre que le monde spirituel est un monde à la fois très beau, très intéressant, mais il est très dangereux lorsque vous commencez à jongler. Mais on ne jongle pas. On ne jongle pas avec le monde spirituel. C'est tout le conseil que j'allais vous donner ce soir. Et je vous remercie, hein, je n'ai averti personne. Ceux qui ont suivi, je crois qu'il y a quelques personnes qui m'ont suivi. Soyez-en salués et que Teta Mwanga vous bénisse. Et sur ce, nous allons donc clôturer notre enseignement par cette belle mélodie de chemin. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. Merci. Merci. Merci. Le bas astral n'est pas l'enfer. Non, non, non. Bas astral veut dire simplement il y a le haut astral et le bas astral. C'est simplement les esprits du bas astral, c'est un langage que les initiés utilisent, mais dans, vous ne verrez pas ça dans un livre quelconque. Ce sont les esprits déchus en eux-mêmes. Donc, le bas astral, ce sont les esprits déchus. C'est-à-dire que les esprits involués, les esprits qui n'ont pas voulu évoluer. Comme vous le savez, même dans les régions, nous dit que ces esprits-là, il y a certains qui se sont répandus. Il y a des démons qui se sont répandus, qui sont devenus des anges parfaits, qui ont rejoint la lumière, machin. Ça vous surprend? Ça ne doit pas vous surprendre. C'est comme nous chez les humains. Il y a des humains qui sont méchants, méchants, mais on vous parle de la repentance. Il faut changer dans votre vie. Et je parle de ça dans mes enseignements, ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle ou le phénomène de rectitude. Ça rentre dans le cadre de la rectitude. Donc, quand vous rentrez dans le cadre de la rectitude, vous changez. Donc, en un mot, non. Le monde du bas astral n'est pas l'enfer. Non. C'est simplement les esprits déchus. Je suis surpris qu'il y a des gens qui me suivent à cette heure-ci. Parce qu'il doit faire peut-être 2h ou 3h du matin là en France. Et 2h au Gabon. Mais merci hein, si vous m'avez suivi. Hein. C'est un enseignement que je n'ai pas prévu. Je balance comme ça. Et puis, la journée, les gens vont suivre cet enseignement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Que t'étais mon gars vous bénisse. Merci. Merci. Merci. Vous êtes venu en retard à cette question? Oui, la réponse est oui. C'est pour cela que je fais cet enseignement-là. Mais vous n'allez pas le convoquer sans le connaître. Il faut connaître l'identité du génie que vous convoquez. Il faut connaître son histoire. Il faut connaître qui il est. Il vit dans quel élément? Est-ce qu'il est de l'élément air? Est-ce qu'il est de l'élément feu? Parce que les génies de l'élément feu sont les plus dangereux, qu'on ne joue pas avec n'importe comment. Et même les génies de l'élément eau. Faites très attention de ces deux génies-là. Les génies qui proviennent, qui travaillent avec l'élément eau et l'élément feu. Ils sont très dangereux. Par contre, l'élément terre et air, ça va. Donc, il faut connaître. Oui, vous pouvez convoquer, mais il faut avoir le matériel nécessaire. Tous les accessoires, il faut les avoir. Et il faut avoir également les grimoires, les livres de pratique de ces choses-là. Il y en a 72. Est-ce que vous les connaissez par cœur? Les 72 en question, est-ce que vous connaissez les déterminations et les rôles de tout un chacun? Ok? Donc, c'est une bonne question. Oui, il faut les mettre. Vous voyez, ça, c'est mon temple. Il faut les convoquer dans votre temple. Vous ne pouvez pas les convoquer n'importe comment. Moi, je les convoque. Quand je voyage, je pense à celui qui est chargé de voyage. J'invoque seulement son nom. Je murmure et il est en connexion avec moi. Mais ça, c'est après une longue pratique. Après une longue pratique, vous n'aurez plus besoin de temples pour les appeler. Vous pouvez tout de suite rentrer en communion avec eux, partout où vous voulez. Ouais. C'est comme ça se passe. Hein? Une fois ils sont habitués avec vous, c'est fini. Ils aiment bien les humains, ils sont plus nombreux que nous. Ils ont besoin des gens pour avec communiquer. Mais moi, j'ai pris le jeu, j'ai sacrifié ma vie pour ça. J'ai sacrifié ma vie pour ça déjà. Donc, ça, ma famille, mes enfants le savent. Donc, Dieu merci que j'ai fait les enfants. Hein? Mais sinon... Je n'avais jamais voulu faire des enfants. Mais Dieu merci qu'ils sont grands, ils réussissent maintenant. Je suis même déjà grand-père, donc c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, pour vous prévenir que le monde spirituel, ce n'est pas un monde qu'il faut vraiment s'amuser. Je crois que les questions sont terminées. Il n'y a plus de questions. Je veux pouvoir vous quitter et que Teta Mwanga vous bénisse. Et de comprendre que ça demande une initiation. On ne s'amuse pas à convoquer les génies n'importe comment. Et quand on parle de génies, il faut retenir que il y a les génies de chez nous, à ne pas confondre avec les génies de la Kabbale. Quand on dit les génies de chez nous, mais en fait, ça peut être aussi ces anges-là. Mais parce qu'on est africain, on les appelle génies de chez nous. Mais chez les Blancs, ils les appellent les anges. La Kabbale les appelle les archanges. Mais comme vous avez vu dans le livre, là, et le livre écrit par Haziel aux éditions Bussière, prière d'appel et de convocation auprès de 72 anges servants ou génies de la Kabbale. Donc, c'est comme ça. Nous, chez nous, on les appelle les génies. Je crois que l'auteur Haziel, bon, il a un mélange juif ou par même africain ou égyptien, quoi là. Donc, c'est normal. Il se réfère aux génies parce que nous, on comprend mieux avec le mot génie. À ne pas confondre avec les ancêtres. Les ancêtres, ce sont nos parents qui sont de l'autre côté. Les génies ou les anges, eux, ils sont de l'autre côté aussi. C'est des dimensions différentes, mais sur des niveaux de niveaux de conscience différents, mais qui opèrent pour nous conforter, qui opèrent dans le but de, comment dirais-je, d'être en connexion avec nous. Voilà. En un mot, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas de frère. Enfin, j'ai des frères, mais même mère, même père. Je n'ai plus de sœur. Je n'ai plus de père. Je n'ai plus de mère. Je n'ai même plus de grand-père. J'ai seulement des tantes à gauche, à droite. Bon, donc, c'est pour vous dire que malgré ce fait, et puis je suis aux États-Unis, je n'ai aucun parent. Donc, les gens peuvent me voir dans le plan physique si je suis orphelin. Mais vous imaginez, je traîne tout de moi, en dehors de vous, là, qui me suivez, qui êtes avec moi au forum, là, bientôt 200 personnes, je ne sais plus trop combien. J'ai près de combien, là? Je ne sais pas moi, dans l'autre truc de Africa Network. Mais je vais bientôt atteindre 1 million, là, d'abonnés. Il y a près de 785 000 personnes. Blancs, la majorité, c'est des blancs. Oui, je ne suis pas orphelin. Demain, après demain, quand M. Onoubi va quitter ce monde-là, il est mort, mais vous allez voir, vous serez surpris, ils vont sortir de tous les coins. Y compris vous, là, qui êtes au Sénégal, je ne sais pas moi, j'en ai même rencontré des enfants maintenant, mes fils-là, qui sont Sao Tome et Principe, au Gabon, il y en a, et tout ça. Voyez-vous? Donc, on n'est pas orphelin quand on est dans le monde de l'esprit. Parce que notre objectif, c'est de transmettre le savoir. Donc, merci beaucoup. Que Tété Mwanga vous bénisse. Bonne soirée. Je remercie ceux qui sont restés à veiller avec moi, là, parce que chez moi, il est 21 h. Normalement, dans 30 minutes, là, je dois me préparer. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, merci, merci encore pour vos questions.